deuxième petit jeu qui m'amusait énormément, c'était les repas de famille. Les repas de famille, tout le monde parlait, ça s'animait autour de la table. Et en fait, petite fille, je m'amusais à deviner ce que les personnes allaient dire avant qu'ils ne le disent. Et c'était devenu un vrai jeu. Du style, je suis dans le jardin, c'est en Bretagne où j'ai passé toute mon enfance, et tous les étés de mon enfance plus exactement. Et je disais, tiens, on va voir des enfants avec des fils à papillons passer devant la maison. Tout le monde rigolait. 10 minutes après, on voit des enfants passer devant la maison avec des fils à papillons. Et puis, voilà, ce genre de petites choses, comme ça, ce petit détail, se répète au fur et à mesure. J'en n'en parle pas, je garde un petit peu ça pour moi. Et puis, vers l'âge de 18-19 ans, je commence à m'intéresser à certains ouvrages. Et puis, très jeune, j'ai 20 ans, une vingtaine d'années, j'achète un ouvrage. Cet ouvrage est un livre de Monsieur Raymond Rian. Et je découvre la lecture de ce livre. Cette personne dit des choses fort intéressantes. Ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il a une formation scientifique. Et que sa formation scientifique, en fait, et la façon dont il conduit ses cours, parce qu'il parle de ses élèves, des expériences qu'il mène avec ses élèves, donc je trouve ça très structuré, très cadré. Et puis il y a une phrase qui va tout déclencher en moi. Cette phrase est « Ce que je fais, d'autres peuvent le faire. Ce que je vis, d'autres peuvent le vivre. » Et cette phrase, je la trouvais très intéressante parce qu'en fin de compte, 1. Il ne s'appropriait aucun pouvoir. 2. Il rendait disponible à ceux qui voulaient suivre son enseignement la possibilité d'expérimenter. Et 3. Du coup, il rendait ça accessible à tous. Bien. Donc, je le contacte, je m'inscris. Très rapidement, je suis acceptée dans ses cours. Et pour moi, la grande aventure commence. Et elle commence de la manière la plus simple, c'est-à-dire un des premiers cours, donc je me suis inscrite pour suivre des études en parapsychologie et donc développer ainsi mes facultés extrasensorielles, sensitives, intuitives, cognitives, bien. La technique de base en parapsychologie, c'est la psychométrie. Donc c'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. La première expérience, donc j'y allais, j'étais vraiment la pure débutante, j'étais jeune, et Raymond nous donne un petit tube en verre dans lequel, à l'intérieur duquel, il y a une petite feuille séchée. Et il demande aux élèves présents, eh bien écoutez, voilà, vous avez tous un exemplaire entre les mains de ce petit tube avec une feuille séchée, je vais vous demander de la tenir entre vos mains, de vous concentrer et de me dire d'où provient cette feuille. Raymond nous donne un temps de concentration, 5-10 minutes, et à l'issue de ce temps de concentration, il nous interroge un par un. Quand arrive mon tour, je lui dis, écoutez, voilà, donc j'avais les yeux fermés, et pendant tout le temps de la concentration, et je les réouvre pour lui dire, j'ai vu un pays très verdoyant, de la verdure partout, et j'ai vu des montagnes, sauf que ces montagnes étaient coupées en son extrémité, j'ai vu une panique, une très grande panique, des gens courir partout. Je vois des gens partir en voiture, je vois par la mer, je vois qu'il y a une panique totale, mais je vois que du haut de cette montagne coupée, il y a une fumée qui sort, une très grosse fumée. C'était, en quelques mots, ma première psychométrie. Raymond est stupéfait, et il va me confirmer que ce petit morceau de feuille séchée provient du volcan La Soufrière. Il est tellement stupéfait parce que c'est la première fois, c'est mon premier cours, et il met entre mes mains une boule noire qu'il me remet. Il me dit, Pascal, devant tout le monde, Pascal, s'il vous plaît, faites-moi parler cette pierre. Dès que vous voyez quelque chose, enfin, il ne m'appelait pas Pascal, mais Madame Lafargue à l'époque, faites-moi parler cette pierre et exprimez tout de suite dès que vous voyez quelque chose. Ce que je ne réalise pas, c'est qu'il ne me la donne qu'à moi, cette pierre. Il me fait travailler toute seule devant les élèves. Et donc je prends la pierre, mais comme une enfant impatiente de découvrir le cadeau qu'il y a à l'intérieur du colis, je dis, écoutez, voilà, je vois l'océan, la mer, je vois une plateforme, je vois des hommes sur cette plateforme, je vois des combinaisons, des casques sur la tête, mais je vois un grand liquide noir jaillir. Et là, il me demande d'arrêter, il a presque les larmes aux yeux, et il me dit, Pascal, c'est un morceau de pétrole qui provient d'une plateforme pétrolière en mer. Et toute mon histoire commence là. Pour ce qui concerne mes expérimentations maintenant, puisque cela fait 30 ans que j'étudie dans, et je mène des recherches dans le domaine de la parapsychologie. Alors c'est vrai que j'emploie ces mots-là, mais c'est volontaire de ma part, parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'en découvrir et d'apprendre cette très belle discipline qu'est la parapsychologie. Quand j'ai commencé mes cours, à l'époque, chez Raymond Réan, j'ai étudié pendant 5 ans avec Raymond. C'est-à-dire que tous les 15 jours, j'allais au cours et donc j'expérimentais sur toutes les supports que nous proposait Raymond lors des cours. Et très rapidement, j'ai découvert que je pouvais lire à travers les objets. Mais très honnêtement, pour moi, c'était le fruit du hasard dans un premier temps. Je me disais simplement que j'avais eu un grand coup de chance. Et puis, d'exercice en exercice, je me rendais compte, Raymond, je faisais le bonheur de Raymond parce qu'à chaque fois qu'il devait m'interroger, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Tout ça, pour moi, c'était très porteur et très encourageant. Alors évidemment, les 5 années de cours avec Raymond, 4 années ensuite où j'ai expérimenté sur des dossiers qu'on nous soumettait, tout ça bénévolement, où j'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai même mené des expériences avec Raymond, où je suis allée avec lui sur le terrain, sur certaines enquêtes, mais tout en continuant à beaucoup travailler énormément. Vous savez, je compare la parapsychologie à un sport de haut niveau. Plus on s'entraîne, plus on devient performant. Alors évidemment, il y a l'aptitude physique, il y a le potentiel qui est là et qui fait qu'il va y avoir des individus, des personnes plus douées que d'autres. C'est ainsi, c'est comme ça. Mais effectivement, l'entraînement soutenu, en tout cas cette volonté de m'entraîner régulièrement, m'a permis de prendre conscience déjà de qui j'étais, de ce que je pouvais réaliser, du potentiel qui était en moi. Alors effectivement, toutes ces années s'étant écoulées, eh bien, au fur et à mesure des années, j'ai aussi réalisé, c'est très important de le dire, dans le cadre de ma carrière professionnelle dans ce domaine de la parapsychologie, c'est qu'on m'a permis d'accéder au fur et à mesure à des expériences que je n'aurais jamais imaginées. Et je sens qu'au fur et à mesure du temps, je gravis au fur et à mesure des échelons où j'accède à des choses de plus en plus importantes. Et ça, bien sûr, c'est un constat au bout de 30 ans. Cela fait maintenant donc 20 ans que j'enseigne la parapsychologie. Donc j'ai des élèves par cours, j'ai très peu de cours et j'ai très peu d'élèves par cours. Pourquoi ? Parce que je dis que je préfère viser la qualité et la rater que viser la médiocrité et l'atteindre. Ce qui m'intéresse, c'est pas le rendement, c'est pas le côté industriel de la chose. Je me considère comme une artisan. Et le but, c'est de pouvoir suivre les élèves tant qu'ils en ont envie de travailler avec moi, de les suivre de façon individuelle. C'est-à-dire sur un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, comme ils le souhaitent. Et je vais m'adapter, je vais poursuivre l'enseignement et monter crescendo dans le développement de l'étude de la parapsychologie. Ça veut dire que c'est eux qui décideront si on continue ou pas l'aventure dans ce domaine. Et ce qui est important pour moi, c'est de les suivre. Et bien évidemment, mes élèves vont être aussi mes sujets d'expérimentation. Ils m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, beaucoup sur cette discipline, puisqu'à force d'expérimenter, et je n'expérimente bien entendu qu'avec leur accord. Ça, c'est très important de le dire. Jamais un élève n'est contraint à expérimenter s'il ne le souhaite pas, être l'objet d'une expérimentation s'il ne le souhaite pas. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Donc, ça fait maintenant effectivement 20 ans que j'enseigne, et j'avoue que de ces 20 ans d'enseignement, j'en ai tiré une telle richesse, et grâce à eux, toutes les découvertes que j'ai faites, tout ce que j'ai pu révéler, leur donner en révélation, et d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue aussi beaucoup plus global, à travers certains supports utilisés à travers la parapsychologie. À travers les différentes disciplines que propose la parapsychologie, donc il y a la recherche de vie antérieure, le grand thème qu'est la réincarnation. Alors, la réincarnation, les vies antérieures, au début, quand je remets dans le contexte d'étudiante, quand je suivais les cours chez Raymond Réan, j'avoue que j'étais quelqu'un qui a toujours un petit peu un côté Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Et dans le cadre des cours, une expérience avait été conduite, une élève s'était proposée pour que nous puissions remonter dans une de ces vies antérieures. En parapsychologie, je vous ai dit que la technique de base est la psychométrie. Donc la façon par laquelle nous allons travailler, ça va être le contact de la main. C'est-à-dire, en fait, quand je travaille et que je me concentre sur une personne, je vais juste avoir besoin de lui prendre la main, de lui serrer la main, principe net de la psychométrie, et c'est tout. Je vais lui serrer la main le temps de poser la question, et à partir de là, je vais m'exprimer et je vais partir en concentration. Cette expérience conduite en cours, sur l'élève qui s'était proposé m'avait conduite à exprimer certains faits. À la suite de mon intervention, la personne n'avait strictement rien dit. En revanche, 15 jours après, elle a demandé auprès de Raymond Rian à intervenir en début du cours. Raymond lui laisse la parole et elle dit la chose suivante. Je ne pouvais pas répondre il y a 15 jours, j'étais tellement stupéfaite par les propos de Pascal que j'avais besoin de rassembler mes idées et surtout d'apporter des preuves et des documents par rapport à certaines choses. C'est ce qu'elle a fait. J'ai moi-même été extrêmement surprise et donc j'ai décidé de conduire d'expérimenter en dehors des cours, ce que je n'avais jamais fait à ce moment-là avant, pour une simple et bonne raison. Est-ce que le miracle, parce que pour moi il s'agit d'un miracle, se produit de la même manière qu'il se produit en cours, est-ce qu'il se produit à l'extérieur, c'est-à-dire chez moi? J'avais réuni à l'époque 3 collègues de travail, donc nous étions 4. Et il était entendu que la personne qui avait commencé à avoir des informations s'expérimente. La personne qui a prêté sa main, en fait, était une collègue à l'époque qui ne croyait en rien de tout cela. La seule chose qui l'avait convaincue, c'était la façon dont j'en parlais. C'était mon sérieux et mon intégrité par rapport à cette discipline. Donc elle va me donner sa main. Et là, pour moi, je vais m'en rendre compte un petit peu dans les jours qui vont suivre, c'est là que ça bascule. Puisque quand je vais lui prendre la main, très rapidement, je vais voir une rue dans Paris. Cette rue est pavée, elle est montante. Je vais avoir un nom, Bourret. Et puis, je vais décrire cette boutique. Je vois un petit muret de 80 cm. Je vois des vitres, des lattes de bois qui séparent les vitres. Un pourtour marron rouille autour de ces vitres. Je colle mon nez à la vitre. Et je vois à l'intérieur des livres, mais à l'intérieur de cette boutique. Je vois un gros livre épais, rouge sur la tranche, avec inscrit le prénom Marie. Je vois une femme qui travaille dans cette boutique. On est au 19e siècle, c'est l'époque de la Révolution. Je vois que cette femme de cette boutique voit un homme que l'on tente d'assassiner. Cet homme a un visage rond, il porte des documents sur lui, il est rédacteur en chef d'un journal. C'est précis de dire ça. Et puis j'entends un prénom, Marie-François, Marie-Francis, et je la vois sur les pavés, brandissant un drapeau, comme une révolutionnaire. Bien. Je vous en extrais quelques éléments. À l'issue de ça, cette personne est totalement scotchée. Et elle me dit, écoute, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien, mais en même temps, côté révolutionnaire, oui, j'y adhère totalement. Et puis, au moment où on va se quitter, elle me dit, écoute, Pascal, je reviens juste sur un fait. Tu as dit un nom Bourret. Je crois qu'à Paris, puisque tu parles de Paris, il existe une rue Bourret. On consulte, la rue Bourret existe. Et on décide. Et c'est ça d'ailleurs qui va générer ma méthodologie de travail ensuite. On décide de se rendre toute l'équipe à Paris. On a commencé l'histoire ensemble, on l'a fini ensemble. On va se rendre rue Bourret. La rue Bourret est pavée et montante, comme je l'avais décrypté. On progresse dans la rue et on va découvrir une boutique qui va correspondre en tout point à ce que j'ai décrit. Le muret, les vitres, les lattes de bois, le pourtour marron rouille. Et l'inscription au-dessus de cette boutique n'était autre que « Le passé retrouvé ». On regarde, on colle notre nez à la vitre et on voit qu'il y a une boutique un peu d'antiquité, qu'il y a plein de vieux livres. Nous essayons d'entrer, malheureusement c'est fermé. Nous sommes très déçus. Donc nous continuons à progresser et on a l'idée de rentrer dans une boutique un petit peu plus loin en demandant à la personne responsable de la boutique si cette boutique aujourd'hui est définitivement fermée ou elle doit ouvrir. Auquel cas nous attendrons. Alors elle sort de la boutique, elle nous demande précisément laquelle, nous lui montrons, ah oui, cette boutique, sachez qu'aujourd'hui c'est son jour de fermeture, elle n'ouvrira pas. Au moment où elle finit de lâcher sa phrase, une personne arrive, met les clés dans la serrure. On la quitte, on lui saute dessus, on lui dit s'il vous plaît, vous ouvrez la boutique. Et elle nous dit oui, et là je lui dis, mais vous ne deviez pas être fermée aujourd'hui. Elle me regarde, elle me dit si, j'ai décidé d'ouvrir. Nous entrons dans la boutique. Au bout d'une heure, il y a un livre qui va me tomber entre les mains, que je vais voir, une révolutionnaire brandissant un drapeau sur les pavés. Et je le referme, mais j'en parle. Et une personne de vous, mais Pascal, reprend ce livre. Je le rouvre, je le reprends. Il était épais, il était rouge sur la tranche et il y avait le prénom Marie. Je ne vais même pas hésiter une seule seconde, je l'achète. J'arrive à la maison, je le dévore, je regarde, et là, tout ce que j'ai dit quelques semaines auparavant dans la séance, je vais le lire sous mes yeux. l'homme rédacteur en chef dont je parlais, qui tenait des documents, qui se fait assaillir, eh bien, il est dit dans ce livre. Et alors, il y a le visage qui est dessiné, je reconnais tout à fait la description. Cet homme n'était autre que Louis Blanc, qui un soir, en rentrant de son bureau de rédaction, s'est fait attaquer. Et des gens, c'est écrit noir sur blanc, des passants, des gens qui étaient là, sont venus l'aider, lui porter secours. Le Marie-François dont je parlais, c'était Marie-François Savicarnot. Et tout au fur et à mesure de l'histoire, tout va se trouver confirmé. Alors effectivement, c'était ma première vraie enquête, sauf qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore vraiment rodée. C'était tout nouveau pour moi, je découvrais. Et environ un an et demi après, mon seul regret, puisque d'autres expériences se sont enchaînées, c'est de me dire, mais je n'ai aucune preuve de ce que je dis. Je n'ai pas la photo du passé retrouvée, je n'ai, à part le livre que j'ai acheté et les personnes présentes avec moi ce jour-là, mais je n'ai rien. Et donc je décide un an et demi après de retourner sur les traces de la rue Bourret, de ce fameux passé retrouvé, pour me dire tout simplement, je vais prendre une photo. J'arrive devant la boutique, il n'y a plus le passé retrouvé, c'est fini, il n'y a plus de velours, il n'y a plus rien. C'est une boutique d'antiquité de vieux meubles et tout a disparu. Je suis très triste, j'entre dans la boutique et la personne me salue, la femme me salue. Je lui dis, écoutez, voilà, je mène des recherches historiques. Il y a un an et demi, deux ans environ, je suis venue ici et c'était que des vieux livres. Oh, elle me dit, je m'en souviens bien parce que quand il a fallu déménager tout ça, je m'en souviens bien. Et je lui dis, vous voyez, je suis revenue exprès pour photographier le devant de la boutique et malheureusement, eh bien, comme ça a disparu, je n'ai plus aucune trace de ce que j'avance. Et là, à ce moment-là, elle me regarde et elle me dit, venez avec moi. Elle va derrière son comptoir, un vieux comptoir en bois. Elle ouvre un tiroir et elle en extrait une photo. Et elle me dit, madame, quand on a fait le déménagement, quand on a emménagé ici, j'ai trouvé cette vieille photo. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pu la jeter. Elle est tout le temps restée dans mon tiroir. Mais maintenant, je sais pourquoi. Et je vous l'offre, elle est à vous. C'était la photo du passé retrouvé. Je vais travailler en 5 étapes. La première étape va être celle où, avec mon élève, mais pour le coup là en dehors du cours, je prends l'élève à part du cours, puisque là j'ai besoin vraiment d'être au calme et d'être dans un cadre extérieur à l'enseignement. Donc la première étape va être celle où je vais travailler, m'expérimenter, me concentrer avec l'élève. Donc lorsque je me concentre, mes séances sont très très longues. C'est-à-dire que j'ai une capacité de concentration de 3 heures environ. Il m'est arrivé la plus grande, les records de concentration que j'ai fait sont de 7 heures. 7 heures non-stop, je vous mets au défi. Là, il faut être jeune, en pleine forme et aimer passionnément ce qu'on fait. Ça, c'était dans le cadre des cours, où mes cours commençaient à 14 heures et ils finissaient à pas d'heure parce qu'on était pris dans l'énergie et plus personne partait. Donc ça par contre, j'ai arrêté de le faire parce que j'en suis restée très épuisée. Pendant cette première étape, donc, je vais d'abord me concentrer pendant au moins 5 bonnes minutes, où j'ai besoin de prier, où j'ai besoin de me recentrer avec moi-même, même s'il y a une petite préparation avant que l'élève n'arrive. Et pendant cet instant-là, je vais prendre ensuite, après ma prière, je vais prendre la main de la personne, le temps de formuler la question. Je veux remonter dans une de ces vies antérieures, je lâcherai la main, et à partir de là, je prends un foulard que je colle sur mes yeux, et pendant 3 heures, je suis dans l'obscurité totale, et j'ai besoin de m'extraire de tout ce qui peut être dans mon bureau à ce moment-là. Donc je vais être dans l'obscurité totale, et j'aurai les yeux fermés. Donc c'est la première étape, et pendant cette étape, je vais demander à l'élève qui est en face de moi, donc il n'interviendra jamais, mais par contre je vais lui demander d'avoir une part active, c'est-à-dire de prendre du papier et du crayon, maintenant les élèves le savent, et de noter le plus possible ce que je vais dire. Mais surtout, comme j'ai un débit très rapide en concentration, il est impossible de tout consigner. Donc, ce qui va être très important, c'est que nous allons enregistrer la séance. Pourquoi ? Parce qu'un mot, une phrase qui n'a pas été retenue peut tout changer et être important pour la suite des choses. Et je demande à l'élève, soyez attentif. Tout ce qui va vous émouvoir, vous interpeller, vous interrogez de ne pas savoir ce que c'est, mais ça vous interpelle. Vous consignez tout ça. Et surtout, s'il y a des questions, des choses que vous auriez aimé que je développe, vous me le consignez. puisque dans ma concentration, à un moment donné, je vais m'arrêter et je vais faire intervenir la personne, mais ça arrive presque à la fin où je vais lui dire maintenant, posez-moi des questions, allez-y, pendant que je suis concentrée. Donc, une question à la fois sur quelque chose que vous voulez que je développe. Et elle me dit, Pascal, vous avez parlé de ça, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et donc, je peux continuer à ce moment-là. Parce que vous comprenez bien que parler d'une vie qui aurait vécu 60, 70 ans, 80 ans, le faire en 3 heures, c'est pas possible. Je suis obligée de faire l'impasse, c'est évident. Donc, forcément, il y a des choses qui se mettent en place, mais je vais extraire pas mal d'informations, c'est certain. Mais ça ne durera que 3 heures. Donc, ça va être la première étape. Et puis, c'est très important aussi que la personne, même si elle ne s'exprime pas, mais qu'elle soit vraiment avec moi et qu'on soit en communion toutes les deux. Ça, pour moi, c'est très important, parce que je le ressens. La deuxième étape va être celle d'établir un tableau des résonances psychologiques. C'est-à-dire, à partir du moment où, dans l'étape numéro 1, j'aurai eu des noms, des prénoms, des dates, des lieux, des noms de rues, de villes, de faubourgs, des événements précis, eh bien, à partir de tout cela, la personne va pouvoir donc établir un tableau des résonances psychologiques, c'est-à-dire ce que Pascal a exprimé dans cette vie antérieure et ce que je vis dans cette vie-ci. Et je vais lui demander de mettre en exergue tout ce qui va être de l'ordre intime, relationnel, professionnel, parental, etc., etc. Tout ce qui va interpeller sur les différents points qui constituent l'évolution de notre propre vie. Ce tableau des résonances psychologiques, le docteur Jean-Pierre Schneider, qui a préfacé un de mes livres, m'avait demandé vraiment d'insister sur cette partie-là qui était très importante et ce que je fais. La troisième étape, comme je le disais précédemment, à partir du moment où j'ai eu suffisamment d'informations, eh bien, comme une journaliste, je vais mener une enquête. C'est-à-dire, je vais contacter les offices du tourisme, les archives départementales, les sites historiques. Internet va être aussi le premier support, même si Internet ne donne pas tout. Eh bien, à partir de là, je vais mener mon enquête. Et je vais essayer de savoir si telle année, dans tel endroit, telle région, telle rue, telle personne, ça a bien existé. Donc là, c'est un investissement énorme. Qui plus est, ça se complique quand l'enquête n'est pas en France et quand elle se trouve dans une langue étrangère et on doit utiliser une langue étrangère. Alors bien entendu, je ne suis pas polyglotte. À part l'anglais que je maîtrise, les autres langues, je ne les connais pas. Quand il faut parler en allemand ou en italien ou en espagnol, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc je suis obligée de me faire aider. Bien. Donc, très importante cette étape de l'enquête. Et là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point le bonheur, pour ne pas dire le plaisir intense que l'on éprouve. Et je vais vous dire que je ne m'en lasse pas depuis toutes ces années de voir à quel point ce qu'on a vu est juste. Et c'est vrai, ça existe. Je crois que ce qu'on éprouve à ce moment-là, j'ai même pas de mots pour vous le retraduire. La quatrième étape, quand l'élève le souhaite, c'est d'aller sur le terrain et d'enquêter. Alors cette étape, elle est très importante parce que pour moi, elle avait un aspect dans un premier temps qui était de mettre la personne dans les conditions lorsqu'elle est sur le terrain, d'éprouver des choses, de ressentir, voire même de percevoir et pourquoi pas donner des informations qui vont, être complémentaires à tout ce que j'ai fait. Et puis parallèlement pour moi, me remettre dans les conditions de ma lecture médiumnique quelques mois auparavant, voire même plus d'un an auparavant, et en me retrouvant sur les lieux, de retrouver la trace qui m'est arrivée des tas de fois. Donc c'est très intéressant. Mais j'ai découvert qu'il y avait, au fur et à mesure de mes enquêtes, peu importe les pays où je vais, qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas du tout soupçonné, mais que j'ai découvert en allant sur le terrain. C'est les rencontres karmiques, les guides, et ces fameux petits anges qu'on place sur votre route. Et la cinquième étape, eh bien, va être celle d'en faire une synthèse. C'est-à-dire, si cette personne a vécu telle ou telle chose, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit en tirer? Qu'est-ce que la personne doit en tirer comme leçon? Je dis toujours que je donne des clés à une personne, mais à aucun moment je ne peux ouvrir les portes à sa place. J'ai banni de mon vocabulaire « il faut »,« yaka », »,« tu dois ». Ça, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. La personne doit être... je me considère un peu... Voilà, si je dois expliquer un peu ce qu'est la parapsychologie, pour moi, c'est de la même manière qu'un capitaine à bord de son bateau, il va être le seul à prendre la décision de la direction de son bateau. Mais il aura besoin d'avoir du conseil, si les machines marchent ou si les voiles sont bien tirées, comment est le vent, etc. Il va voir de tous les personnes qui vont être tous indispensables sur le bateau, parce que c'est elles qui vont aider au bon fonctionnement et surtout permettre de prendre au capitaine de prendre la bonne décision. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que des clés, j'en donne même des fois beaucoup, mais je ne peux pas faire le travail à la place de la personne. Ça, pour moi, c'est fondamental. Voilà. Donc, en fait, ces 5 étapes, de façon structurée, m'ont permis effectivement de mettre en avant, mais surtout d'apporter une théorie tangible sur la réincarnation. Puisque quand on voit que les événements se répètent sur plein de plans, et ce, de façon des fois très récurrente, eh bien, effectivement, ça laisse plus trop la place à la controverse. Alors, effectivement, j'ai pas l'audace de dire « j'y crois, c'est comme ça, c'est sûr, croyez-moi, etc. » Non, je dis que mon travail et ma démarche n'est pas de convaincre, elle est celle de témoigner. J'apporte des faits, c'est clair, c'est précis, je peux justifier où je suis allée, de ce que j'ai fait, des gens que j'ai rencontrés, il n'y a aucun problème, tout est classé, répertorié dans des dossiers à la maison. Voilà, mon travail, il est là, regardez-le tout simplement. Maintenant, eh bien, essayez de m'interpeller sur le fait que ça ne peut pas être possible, c'est tout. Bien souvent, j'entends dire que la vie est toute tracée et qu'on ne peut surseoir finalement à ce qui est décidé. Alors, j'ai un peu une autre idée sur le sujet, même une autre idée complètement. C'est-à-dire que je considère que la force, la volonté et surtout l'amour peut avoir un impact sur le cours des choses. Et ça, j'en ai l'intime conviction. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il m'est arrivé, après le décès de ma mère il y a quelques années, d'obtenir plusieurs messages et d'avoir des messages qui ont commencé à se construire au fur et à mesure. D'ailleurs, dans le livre « Chemin d'éternité », le dernier livre que j'ai écrit, il est beaucoup question des messages de ma mère, Mamina. Et son décès nous a tous, bien évidemment, bouleversés. Et j'ai commencé à m'habituer à ce qu'elle me parle d'une autre façon, autrement, à communiquer avec elle d'une autre façon. Ça a été long, lent, mais ça commençait à devenir ensuite de plus en plus intéressant et de plus en plus fort. Et plus que des messages, c'est un enseignement entier qu'elle m'a transmis. Et notamment le premier message qu'elle va me donner, qui va concerner mon papa, c'était il y a à peu près 9 ans. Je revois la scène, c'était chez moi, on discutait à la maison. Et d'un seul coup, maman apparaît et me dit « Ma chérie, achète un chien, offre pour Noël un chien à ton père. » Et je suis très surprise de ça et je dis à papa, j'écoute, maman est là à côté de moi et elle me dit qu'il faut à tout prix que je t'offre un chien pour Noël. Alors j'ai dit oui, je vais t'en offrir un et il était convenu que je lui offre un Yorkshire. Donc papa aura son chien à Noël et quelques mois plus tard, en sortant son chien un matin, il fait un malaise, il tombe au sol. Il va être, ramassé par la gardienne de la résidence, qui va appeler tout de suite les pompiers, et il va être hospitalisé en urgence, il était en train de faire une embolie pulmonaire. Donc, qu'est-ce que j'en ai conclu? Si ma mère ne s'était pas manifestée, et si elle ne m'avait pas dit d'acheter un chien, mon père aurait fait cette embolie chez lui, et il en serait mort. Et puis, il y a eu une deuxième fois, où je n'arrivais pas à joindre mon père par téléphone, et quelque chose me dit qu'il fallait que j'y aille, et j'y vais avec ma fille. Et je vais le retrouver chez lui, il a fait un autre malaise, c'est environ un mois et demi plus tard, ma petite voix m'a guidé qu'il fallait que j'y aille, sans téléphoner, sans rien. Le médecin va venir, il va être sauvé. Et la troisième fois, je m'endors le soir, et j'entends qu'on me parle, et on me dit la chose suivante, demain matin, il va falloir, ton père n'est pas bien du tout, il faut s'en occuper et très vite. C'était le soir, il était tard, j'ai énormément prié et j'ai demandé, je m'entends encore dire, que l'on prenne vie à mon père. Une nuit, s'il vous plaît, je lui demande une nuit. Le matin, je me lève tôt, j'étais absolument déterminée, je prends ma douche, je m'habille. Avant de quitter la maison, j'appelle le médecin et je lui demande de se rendre au domicile de mon père. Sachant son antécédent médical, elle n'a pas hésité et attendu pour accepter de venir. Je me rends chez mon père me voit arriver, me dit « Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là » J'écoute « Papa, je viens, j'ai fait venir le médecin, je sens que tu vas pas bien. » Il n'est pas du tout content. Le médecin arrive 10 minutes après, je la regarde intensément, et je lui fais comprendre que là, on n'a même pas de temps à perdre, qu'il faut l'hospitaliser. Elle est un petit peu déboussolée, elle fait un papier, je lui dis « Je m'occupe de tout, le chien, tout ça, je m'occupe de tout. » Je l'emmène à l'hôpital. Je l'emmène à l'hôpital, il est admis donc aux urgences. Il commence à être en observation et il commence un petit peu en plaisantant à rire, à dire « Vous allez me relâcher d'ici cet après-midi, hein, je ne reste pas plus. » Et l'infirmière me dit « Écoutez, on garde votre papa, je parle de l'antécédent médical. » Elle me dit « On vous rappelle dans quelques heures. » Et même pas 2 heures après, il m'appelle en me disant « Votre père est transféré au service cardiologie, très grand service cardiologie en région parisienne. Il fait une double embolie pulmonaire, une au cœur, une au poumon. » C'est-à-dire qu'à quelques heures près, c'était terminé. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, et cet exemple de mon père, c'est qu'en fait, la notion du destin tracé, je crois qu'il faut être un peu humble par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai constaté au bout de 30 ans, et notamment, il y a une étape qui est l'entre-deux-vie, et dans l'entre-deux-vie qui est l'étape de la préparation, c'est-à-dire le moment où l'âme va se réincarner, que dans les grandes lignes, on nous informe de certaines choses. Mais ne sous-estimons pas le fait que nous détenons en nous la capacité de pouvoir aussi changer le cours des choses. Et c'est ça qui fait surtout partie du chemin. C'est d'avoir cette capacité à se dire « ça, je n'en veux pas et je ferai tout pour que ça n'arrive pas ». C'est-à-dire, je vais avoir l'énergie de le faire, ou je vais m'y opposer, ou des personnes extérieures vont intervenir, parce que ça fait partie aussi de l'itinéraire, parce que ça n'est pas le moment, et qu'il y a des choses derrière qui doivent aussi arriver. Donc en fait, la notion d'itinéraire, si on y englobe cette information-là, je dis oui. Mais si on balance l'information de façon lapidaire, c'est-à-dire en acceptant quelque part quelque chose d'évident, sans s'offusquer, sans rébellion, sans force, sans amour, pour moi ça n'a pas de sens. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement de personnes au moment du décès, alors, il m'est arrivé, dans un cadre même familial, d'être présente ou d'être là près des personnes avant qu'ils ne partent, qu'ils quittent leur corps physique. Il y a plusieurs cas de figure que j'ai pu constater auprès de membres de la famille ou d'amis. La révolte, la personne c'est-à-dire qui est malade et qui n'accepte pas du tout ce départ, qui est complètement légitime et qui est bloquée dans le fait de dire de façon très violente « mais Dieu m'a abandonné ». C'est très douloureux d'entendre ça. Que dire et que répondre ? Donc, le but, c'est de surtout pas lui dire « mais non, il t'a pas abandonné », puisque là, ça veut dire qu'on n'écoute pas et qu'on n'entend pas ce que la personne dit, et surtout qu'elle est dans une grande souffrance. Donc, je pense qu'il faut avoir une propension à ce moment-là d'amour assez grand pour accepter ce qui est dit et l'exprimer d'une autre façon. Et puis, il y a les personnes qui vont vous dire, comment c'est de l'autre côté, Pascal ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Donc, on sent qu'il y a des différences d'acceptation, de maturité, d'évolution à ce moment précis. Et puis, il y a l'expérience que je vais vivre, qui va être absolument incroyable, extraordinaire. C'est le mari d'une amie à l'époque, qui est en phase finale de maladie. Et je discute donc avec cette amie, et je ressens fortement la présence de son mari, mais qui est là, qui est très subtile, et je sens un départ proche. Je me pose la question si elle compte aller le voir à l'hôpital aujourd'hui, elle me dit que oui. Et j'en suis très heureuse parce qu'au fond de mon cœur, je sais qu'elle va lui dire au revoir. Par contre, le soir, à la maison, après toutes les occupations faites, je décide de m'allonger sur mon lit, de sortir de mon corps, de me dédoubler pour aller rejoindre cette personne. Je vais donc me retrouver à côté de son lit, sur son lit d'hôpital. Là, je vais le regarder, je vais lui parler et je vais poser ma main sur sa main. Il va me transmettre des messages sur lui, son état, sa femme, ses enfants. Il va me parler. Mais ce que je ne contrôle pas, n'y réalise pas, c'est qu'à un moment donné, en lui tenant la main, je sens que mon corps physique à moi, mon rythme cardiaque est en train de se ralentir. Il est en train de se ralentir et je sens que la respiration est un petit peu saccadée. Je suis très troublée. je lui tiens la main, et là, il va se passer un phénomène absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en lui, moi, en état dédoublement, lui tenant la main, lui sort de son corps. Et on se retrouve tous les deux main dans la main, lui en dédoublement, lui extériorisé de son corps physique, et on voit le corps matériel sur le lit. Et là, je me vois faire ça, ça. Je fais, mais il est décédé. Ça y est, il a quitté, il a rendu son dernier souffle. Je comprends mieux pourquoi aussi mes ralentissements cardiaques et mon manque d'air. Il continue à me parler, à échanger. Il me remercie parce qu'il me dit que ça s'est fait dans la douceur et qu'il a été très accompagné. Et puis, il y a comme une espèce d'ouverture lumineuse, de lumière. Alors, pas une lumière flagrante, mais une lumière plus claire que celle où j'étais. Et à l'intérieur de cette lumière, il y a un homme. Et cet homme vient chercher. Et là, à ce moment-là, je le regarde et je lui dis, là, je vais être obligée de vous laisser parce que là où vous allez, je ne peux pas vous suivre. Je vais lui lâcher la main et il va se diriger vers cet homme dans cette espèce d'ouverture, en fait, dans cet endroit sombre. Je m'endors là-dessus, mais à aucun moment, ce qui m'a étonné, je n'ai eu peur, je n'ai paniqué, j'ai juste constaté ce qui se passait, quelque chose de physique en moi. Et je m'endors là-dessus, je suis épuisée. Par contre, le matin, au réveil, j'ai complètement la lucidité, le souvenir intégral de ce que j'ai vécu. Et là, je me dis, waouh, mais ça aurait pu être très dangereux. Heureusement que je suis en bonne santé, que je maîtrise ce que je fais, et que je suis en même temps, consciente et que j'ai cette maîtrise-là. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'aurai la réponse dans la matinée, sur mon répondeur téléphonique, et ce message sera le suivant. Pascal, je sais que tu sais, Philippe est décédé cette nuit, il a été déclaré mort clinique à 2h du matin. Merci, merci, merci. Je savais que l'expérience que j'avais vécue était bien réelle. Déclaré mort clinique, parce que c'est le moment où les infirmiers sont entrés dans la chambre et ont constaté sa mort. Mais l'expérience, pour ce qui me concerne, avait été entre 22h30 et minuit. Donc, voilà. Donc effectivement, si j'ai pu accompagner ou être proche de certaines personnes de façon consciente de leur part avant leur mort et de leur parler ou de les aider, là j'ai vécu une expérience en direct. Et c'était très enrichissant pour moi, mais surtout pour la personne qui décédait, ça s'est fait grâce à ça très en douceur. Donc c'est très émouvant et on n'oublie pas ce genre de choses. Cela fait maintenant, comme je le disais, 30 ans donc, que je mène des recherches, que j'étudie. Alors évidemment, j'ai étudié pendant 5 ans, pendant 4 ans et demi, plus de 4 ans, j'ai mené un groupe de travail bénévole, alors en collaboration avec Raymond Rian, et de mon côté aussi avec quelques personnes qui étaient avec moi, qui travaillaient, qui constituaient ce petit groupe. J'enseigne depuis 20 ans, j'ai à peu près 130 conférences à mon actif, quelques livres, quelques émissions de radio et de télévision, et pour autant, j'ai toujours la même passion, elle est intacte depuis le début. Alors effectivement, je pense que j'ai un côté en moi qui n'est pas lassé à ce jour d'être dans la recherche et dans la découverte. Il faut savoir que les recherches que je mène, tout ce que je découvre, qui m'encourage à continuer, puisque que ce soit sur l'entre-deux-vies, les recherches historiques sur certains personnages, la réincarnation ou les contacts avec les défunts, je me rends compte à quel point je fais mouche et c'est d'une telle force et d'une telle puissance que ça m'encourage à continuer. Quand vous menez des enquêtes et que l'issue, tout ce que vous avez pu exprimer dans une séance se trouve confirmé dans des écrits, dans des archives, mais comment vous dire, comment on peut arrêter? C'est comme une drogue. Moi, aller sur le terrain, je ne peux pas m'en passer. Et surtout, ce que je dois dire, c'est qu'il y a c'est une phrase de Jésus sur des documents qui ont été trouvés en Haute-Égypte, à Nag Hammadi, en 1942, je crois, par un berger qui était là, dans des cruches. Et ce message dit la chose suivante. « Cherche, et n'aie de cesse de chercher. Et lorsque tu auras trouvé, tu seras émerveillé. Et étant émerveillé, tu régneras sur le tout. » C'est-à-dire, je crois qu'en fait, je suis une enfant qui est toujours émerveillée par son travail. En fait, je me dis, qu'est-ce qu'elle elle est vraiment douée, en fait. Mais je parle d'elle, je parle pas de moi. Et pour moi, c'est de l'ordre du miracle. J'en suis consciente, je vais pas le nier. Une fois, une journaliste m'a définie comme une rationnelle dans l'irrationnel. C'est-à-dire que depuis le début, je crois que pour me rassurer, j'ai une famille, des enfants. Pour moi, c'était très important d'être crédible. C'est-à-dire que tout de suite, ma petite patte, ma marque de fabrique, c'est j'ai des révélations, je veux contrôler, je vais mener des enquêtes, je veux savoir si c'est vrai. Mais je pense que ça visait beaucoup à me rassurer dans un premier temps. J'avais pas du tout envie de partir à droite, à gauche ou dans des délires sans sens. Je voulais quelque chose de concret qui vise à me rassurer. Et puis, finalement, de cette peur, j'en ai créé une force, puisque finalement, ça a été ma patte, ma marque de fabrique, c'est le côté enquête. Alors, c'est sûr, ça demande du temps, de l'énergie, du travail. J'ai pas de subvention, je suis pas sponsorisée. J'aimerais bien, ça m'aiderait considérablement. Ça me permettrait de pouvoir laisser certaines choses de côté pour assurer le matériel. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tant que cette flamme m'animera, tant que cette passion sera en moi, tant qu'il y aura des gens qui me porteront du respect et qui me suivront, qui seront demandeurs, eh bien, je continuerai l'aventure. Actuellement, j'ai 4 projets de livres. Alors, il y en a un que je vais commencer à écrire. Alors, mon premier projet de livre va être sur l'entre-deux-vies, puisque je fais des conférences sur le sujet, mais on me demande à chaque fois si vous avez un livre qui parle de ça. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, ce livre est en préparation. Il va y avoir un deuxième livre qui va être sur la réincarnation. Et dans ce livre, je vais mettre en avant, sur une même personne, plusieurs incarnations. Et là, je vais rentrer dans une théorie qui va commencer à devenir intéressante, puisque je vais mettre en exergue les répétitions du cheminement de l'âme sur des points très précis. Mon troisième livre, c'est une recherche historique sur Jeanne d'Arc. Et puis, il y en a un quatrième. Alors ce quatrième, je pense que je vais l'aborder sous une forme de roman, de thriller ésotérique. C'est-à-dire qu'avec une de mes élèves, qui a été à l'origine de ce projet, de la même manière que je remonte dans les vies antérieures, je vais dans l'entre-deux-vies, que je communique avec les défunts, que je remonte les cours de l'histoire, eh bien, elle m'a proposé et me demandé de me projeter dans le futur et de travailler sur sa prochaine incarnation. On en a longuement parlé toutes les deux, on y a réfléchi, et donc, j'ai accepté le projet. Et le projet s'est construit ainsi. C'est-à-dire qu'on a commencé en septembre, on a fini en juin, et on a échelonné ça sur 10 mois de travail, avec une séance mensuelle. Et le but était de décrypter, du moment de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, les étapes de sa vie. Donc, on a décrypté sur 10 séances, qui correspond à peu près une quarantaine d'heures de travail, un résultat de 600 pages écrites, manuscrites, et qui ont permis, en me projetant dans le futur, de donner des informations, alors sur sa prochaine incarnation, bien entendu, mais beaucoup plus large sur ce qui se passera dans le monde d'un point de vue géopolitique. Donc en fait, ça ne se cantonne pas qu'à sa seule vie, ça parle d'un point de vue beaucoup plus grand. Sauf que dans cela, ben, j'extrais des personnages, la réincarnation de personnages connus, qui vont avoir un rôle à jouer. Et tout ça est fort intéressant. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir l'écrire sous forme de roman. Voilà. Et puis, beaucoup plus tard, une autre théorie qui sera unique, je pense, qui n'a encore jamais été conduite en France, c'est la suivante. C'est-à-dire qu'avec une élève aussi, et sur sa demande, je travaille sur 2000 ans d'histoire, c'est-à-dire qu'on est parti de l'époque du Christ jusqu'à maintenant. Ça fait 12 ans qu'on est sur ce chantier, sur ce travail. C'est-à-dire, à partir de l'époque du Christ jusqu'à maintenant, quelle a été l'évolution de son âme, qu'est-ce qu'elle a fait, où elle a vécu, où elle a habité, etc. On en est actuellement à 28 incarnations, avec étape numéro 1, révélation, étape numéro 2, résonance psychologique, étape numéro 3, enquête historique. L'étape 4, nous n'avons pas été partout, faute de temps, de moyens, d'argent, mais nous avons été sur certains lieux. Et la synthèse, par contre, celle-là, elle sera faite. Ça va rester un document tout à fait, enfin, une œuvre, parce que là, on ne parle même plus de travail, on parle d'œuvre. Et là, je vais mettre en exergue les points d'impact, les liens karmiques directs, indirects, les résonances psychologiques, les résonances émotionnelles, l'évolution de l'âme, le blocage, là où ça a stagné pendant plusieurs vies, le fil rouge de l'âme, les évolutions, c'est tout ça que ça va mettre en exergue, mais ça dépasse l'entendement, je vous promets. Et là, la dernière séance que j'ai faite, on était au 5e siècle. Je vous garantis que tout ce que j'ai pu dire déjà en une semaine, historiquement, tout a été contrôlé. C'est incroyable. Même moi, je suis bluffée, je n'en reviens pas. Et c'est pour ça aussi, vous me posiez la question de l'émerveillement. Comment voulez-vous ne pas être émerveillé? C'est juste pas possible. Ça dépasse tellement l'entendement. Voilà. Donc effectivement, j'ai du pain sur la planche, beaucoup de travail dans les mois et les années à venir. Ce que je pourrais dire en conclusion de tout cela, c'est qu'il est important que chaque individu prenne conscience de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de la façon dont il pense, de la façon dont il agit. C'est tout ça qui va déterminer son futur proche, sa vie. Il est important aussi, peu importe la démarche que l'on va suivre, mais d'écouter son cœur, que son cœur soit guidé par la raison, par quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle, qui nous émeut. Il est important aussi de garder son libre arbitre. Il est important que la démarche que vous faites ne soit pas sous l'emprise d'une forme de pouvoir, de dictat, mais qu'il y ait une notion d'échange. Qu'on aille chercher la guidance, les réponses, c'est complètement, comment dirais-je, quelque chose d'humain, et on a tous besoin de ça. Mais chaque être doit garder son libre arbitre. C'est extrêmement important. Et puis je dis toujours que quand l'acte est juste, eh bien les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent et elles s'ouvriront encore. Et j'ai la conviction intime et personnelle que si l'on souhaite que le monde bouge, cela ne dépend vraiment que de chacun d'entre nous. Et puis, j'ai envie de dire aussi également, arrêtons de mettre la responsabilité sur Dieu, sur un tel ou un tel. Acceptons déjà nous de nous remettre en question sans transférer notre responsabilité sur quelqu'un d'autre qui évite forcément notre propre engagement, notre propre responsabilité, notre propre remise en question. Essayons d'être un petit peu adultes pour le chemin et enfants pour la découverte, j'ai envie de dire.